Roche sur Galaxy Radio 95.3. Deux heures de musique industrielle non-stop avec Derga Golini et EBM Nator. Electro, Indus, EBM, Synthpop, Darkwave, New Wave, Ambient, Metal, Gothic, Post-Punk, Power Electronique. Sans pleurs et sans reproches, Derga Golini, EBM Nator. Lundi 20h-22h sur Galaxy Radio 95.3. Sans pleurs et sans reproches. Toutes et tous les bienvenus sur cette nouvelle édition de Sans pleurer sans proche. C'est la numérotée 1355. Elle sera en direct, celle-là, pour ma part. Ça fait beaucoup de bien de retrouver les micros de Galaxy Radio. Malheureusement, je suis tout seul à l'antenne. Je souhaite bon courage à Greg qui est en train de bosser. Ce sera une émission un petit peu particulière, puisqu'on a un invité de marque qui représente beaucoup pour moi au niveau radiophonique. Ouais, je vais faire un petit peu mon sensible, mais vous allez voir, ça va être bien quand même. En tout cas, en sélection de la semaine, c'est un proche de Sans pleurer sans reproche. Il s'appelle Fred Coton. Son groupe, c'est The Ultimate Dreamers. Vendredi passé et samedi passé, ils ont sorti leur album Paradoxical Sleep sur la branche Spin Plus de Alpha Matrix. On vient de s'écouter Spirit Chaser. Je vous fais un petit topo tout à l'heure de ce très très bon album que je voulais mettre en lumière pour ce lundi. Et On retrouve la sélection de la semaine il y a 15 jours, c'était Vispot und Schkouf de Cynic Firsich, ceux du jeune duo belge composé de Fred et Lance, qui nous propose un nouvel album, alors qu'ils ont sorti en juin 2024. Au programme, pas grand chose de nouveau, et c'est ça qui est bien, car la musique est fraîche et bien dosée, je trouve. On a le plaisir de passer du bon temps à l'écoute de Vispot und Schkouf, dont le thème principal est l'autodérision. Ça sera le morceau Nicht. Puis viendra ensuite une nouveauté suédoise, c'est le dernier EP de Xenturion Prime, qui s'appelle Leviathan Alpha. Et on terminera par une nouveauté danoise. Nicht. Du willst gehen, ich will es nicht. Du willst Kompromisse, ich nicht. En tout premier, c'était la sélection d'il y a 15 jours, Cynic Firsich avec le morceau Nicht de l'album Vieille Spot und Scoof. C'est sorti en autoproduction. Juste après Xenterion Prime avec le morceau VHS du EP Leviathan Alpha, ça sort chez Progress Productions. Vous connaissez ce duo, hein, né des cendres de Code 64 qui vient de sortir donc ce tout nouvel EP. Je constate sur ce nouveau single un petit peu plus de synth-pop que le précédent. C'est pour ça que j'ai préféré passer un morceau instrumental, puisque les atmosphères dégagées sont vraiment profondes. Et en tout dernier, une nouveauté de chez Tiny Torturous, c'est E.E. Man, ce Danois qui reste ancré dans sa musique électro-industrielle sombre, avec ce nouvel EP 3 titres, qui s'appelle Visions of the Dark Mind, qui sort donc chez Tiny Torturous, hein, géré par Tony Kuhlman, qui ne manque jamais de promouvoir son label. Ce EP Visions of Dark Mind porte bien son nom, ce n'est pas très guiré cette histoire, dans tous les cas c'est bien produit. Et ça me fait penser à un autre groupe danois des années 90 qui s'appelait Institute for the Criminally Insane. On s'est écouté le morceau Drifting. Allez, il est maintenant temps de retrouver une voix qui, si vous avez mon âge, vous l'avez écouté pendant des heures et des heures sur Radio Boomerang durant l'émission Cauchemar Blafard. On accueille ici dans les studios de Galaxy Radio, c'est Thierry. Salut Thierry. Salut Walter. Ah voilà, j'ai trouvé le bon micro. Je suis très très content de te retrouver ici dans les studios de Galaxy Radio dans notre émission Sans pleurer sans reproche. Ben moi aussi je suis super content. Ça me fait super plaisir, c'est une invitation vraiment sympathique, d'autant plus que j'ai une petite actu, donc ouais. Quand même. Pour situer le décor, toi tu as bossé chez Cauchemar Blafard pendant combien de temps? Alors, historiquement, si tu veux, ouais. En 87, j'ai commencé à faire une émission sur Boomerang. Ça s'appelait Orgie. Ça s'appelait pas encore Cauchemar Blafard. Et Orgie, en fait, c'était un peu la récré. Je faisais ça avec mon frère, et puis avec des copains qui passaient. C'était un peu tout et n'importe quoi. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Je me souviens de la date parce que j'ai des cassettes chez moi. Sinon, je me souvenais plus de la date. Hein. Donc 87, j'étais pas vieux. J'avais 17 ans. Et ouais. Et donc, bah, c'était un petit peu du fourre-tout. On faisait du tout et n'importe quoi avec beaucoup de choses new wave, punk et peu d'indus. Voilà. Tu t'es bien rattrapé depuis. Ouais. Et donc après, on s'est fait virer parce qu'on payait pas notre cotise. Hein, c'est une radio associative, donc il fallait qu'il y ait des cotises qui rentrent. Mmh. Et on s'est fait virer une première fois. Et puis l'émission suivante s'est appelée pendant, je pense, 6 mois, Espace Violet. Violet comme la couleur. Oui. Oula, on est en voilà. 2025, tu sais, faut pas trop dire ce genre de choses maintenant. Et là, on s'est fait virer tout de suite, quasiment en 2-3 semaines, parce que le générique de l'émission, c'était un morceau de Death in June. Et Radio Boomerang, il n'avait pas aimé du tout le sens. Je me doute. Et donc, bon, ils nous ont virés, puis je suis revenu seul. Pour Cauchemar Blafard quelques mois après ils m'ont repris et là j'ai payé mes cotises, je suis allé aux réunions, j'étais le super bon élève et puis ça a duré longtemps mais je ne sais plus trop combien de temps. Bah, je suis incapable de dire jusqu'à quelle année tu as fait Cauchemar Blafard. Moi non plus, je pense que c'est pas loin de 10 ans mais je suis pas sûr du tout et puis les dates ça n'a jamais été mon truc, j'aime pas trop les chiffres. Et donc bah, pour avoir des dates précises, je ne sais plus du tout quoi. En tout cas, on t'écoutait tous religieusement tous les vendredis soirs. Hein. Mais en fin de compte, il y avait pas mal d'émissions parce qu'en fait, si je me souviens bien, bien sûr, il y en avait chez Campus, hein, Nuit et Brouillard, il y avait d'autres gars qui faisaient des émissions aussi New Wave. Il y avait d'autres radios aussi un peu plus confidentielles, avec des émissions tout aussi confidentielles, mais qui faisaient aussi des chouettes, qui avaient une chouette programmation. Alors, c'était l'époque des radios libres, donc c'était une super époque. Il y avait pléthore de d'émissions, et puis la vôtre est arrivée rapidement aussi, en fin de compte, hein, 91. 91, ouais, comme tu as déjà dit ici dans les studios, tu as vu un jeune tétard arriver à Boomerang, c'était moi avec d'autres alcoolites. J'ai vraiment un super souvenir de cette époque, et c'est vrai qu'elle a été très très enrichissante. Et comme vous ameniez un son nouveau un peu... en électro, en tout cas électro-body, plus, on va dire, plus fusion avec la techno ou alors ou le métal même. Ouais, il y a une certaine période. Ouais. Moi, je découvrais ça avec vous, et c'est vrai que c'était chouette. Vous n'étiez pas là le même jour. Hein, non, nous, c'était le jeudi soir. Ouais, jeudi soir, ouais. 20h, 21h30. Ouais. Mais toi, ton créneau, c'est uniquement la musique qu'on appelait industrielle à l'époque. C'est l'industriel, c'était composé avec des objets, majoritairement. Non, pas vraiment, non. En fait, il y a un éventail énorme de styles là-dedans qu'on met dans la musique industrielle, mais il y a autant de musique rituelle, tribale, ethnique. Quelqu'un comme Rapoun, par exemple, ou Zoviet France, bah, tu peux pas les mettre dans la musique industrielle, c'est pas jouable. Pourtant, quelque part, ils sont quand même sous cette étiquette. Ouais, moi je les aurais mis volontiers sous l'étiquette industrielle. Ben ouais, pourtant, c'est plutôt de l'ambiance. Voilà, c'est. Et puis ça touche au rituel, la musique rituelle, tribale, ethnique, expérimentale, si tu veux. Mais enfin, toutes ces étiquettes-là, effectivement, elles s'éloignent un peu de l'électro, on va dire, traditionnel ou de l'EBM, hein, comme vous avez si souvent passé lors de vos émissions. Alors, j'aimais aussi beaucoup cette époque parce qu'il y avait Cauchemar Blafard qu'on écoutait, hein, comme ça, et puis il y avait l'émission Ami, l'émission Miroir, presque un petit peu Nuit et Brouillard. Ouais, c'était sur campus. Ouais, tout à fait. En fait, on partageait, c'est vrai qu'on partageait les mêmes goûts musicaux. Nos émissions n'étaient pas très éloignées, effectivement. Je me souviens même, une fois, avoir découvert un morceau. Alors, je ne me souviens plus du tout du morceau que c'était. De l'avoir enregistré sur une cassette, d'avoir trouvé le morceau vraiment terrible. Alors, j'avais noté ce que c'était, tout ça. Et je l'avais passé à ma propre émission. Mais d'un seul coup, il y a le jingle de campus qui est arrivé. Bon. Ouais, jingle de campus sur Boomerang. Je fais merde, je coupe. Mais on a quand même entendu le fait que je l'avais enregistré sur l'émission de Nuit et Brouillard. Et donc, c'est une anecdote rigolote. Mais c'est vrai que nos goûts sont toujours assez semblables. Et toi, au-delà de l'émission radiophonique, tu avais ouvert. Alors, je ne sais pas quelle année non plus, tu vas peut-être m'aider, mais ton label distributeur, la faculté, ouais. Plus distribution, hein, pas trop label. Tout à fait, ça a toujours été de la distrib, en fait, depuis 89, il me semble, et 88, l'appareil, hein, les dates, c'est difficile. Et j'ai commencé, le premier disque, première production que j'ai distribué, c'était le 45 tours de Neva. Et ouais. Je me souviens, les deux premiers mois, en fait, j'avais eu un échange avec Jackie Beach, et il m'en avait laissé 30. Et en deux mois, j'ai vendu les 30, ce qui était incroyable, franchement. Et donc, j'ai fait du tri chez moi il n'y a pas très longtemps. J'ai retrouvé une lettre de Jackie qui me dit c'est incroyable, tu dois être, t'as des talents de vendeur. T'es le meilleur vendeur de tous les temps pour le 45 tours. Et donc, après, ça a suivi avec des labels comme Organic Tapes. Mais tous les labels français. Enfin, j'ai pris beaucoup de labels français et belges aussi. Des gens de proximité, des gens que je connaissais. Et puis, mon petit catalogue, il s'est un peu étoffé. Ouais, petit catalogue, ouais. Oui, mais pas assez. Il y avait du volume quand même, hein. il y avait du volume, mais ça a toujours été un, entre guillemets, un loisir. Et donc, automatiquement. Tout savoir sur... Ah, petit souci, attends. Ouais. On va pas. On va pouvoir parler. Donc, tu disais gros volume quand même. Ouais, bon, mais. C'est quand même assez assez succinct comme offre, tu vois, sur le choix. En fait, tu avais très vite beaucoup plus de choix sur un catalogue comme Hot Size ou Nuit et Brouillard. Mais il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est que pour l'époque, en fin de compte, à l'époque, on est tous des enfants de Gilbert de Front de l'Est. Le catalogue Front de l'Est, ça a toujours été une référence pour nous, quoi. Et après, tu as fait les foires au disque aussi à un moment, avec tout ton catalogue. Ouais, tu t'en fais encore d'ailleurs. Ouais. En fait, très vite, c'était une occasion de pouvoir rencontrer les gens et de pouvoir aussi avoir éventuellement des commandes et puis de les amener à ces foires au disque. Et là, tu as eu une nouveauté. Parce qu'en fait, t'as cessé l'activité de la faculté, encore une fois, t'as eu ce break. Non seulement radiophonique, mais aussi au niveau de la distribution du catalogue. Alors, il y a eu une période où, en fait, j'ai eu un travail pendant presque 30 ans, très chronophage, et qui ne me permettait pas de faire autre chose. Il me permettait de faire autre chose, mais le temps que j'avais, je préférais le passer en famille et du temps avec ma compagne, bien sûr. Et donc, ben, j'ai mis de côté un peu cette distribution, puis j'ai arrêté la mission de radio. Mais là, donc, du coup, j'ai arrêté ce boulot chronophage, et puis ça m'a permis de me plonger dans la prod. Et donc, ben, c'est justement à cette occasion-là que tu m'invites, ouais. Surtout. Même si c'est très agréable de venir discuter d'autres choses. Mais toujours est-il que effectivement, je viens de sortir il y a 3-4 semaines là un album d'un musicien qui s'appelle Baraka, qui n'est autre que un des deux membres de Troom. Mm-hmm. Ce nom m'évoque beaucoup de choses. Mais oui, ouais, avant Troom, il faisait Maor Tri. Ah oui. Maor oui. Tri, qui était un trio, et après ça a été un duo avec Troom. Martin et donc Stéphane donc de Baraka, il gère le label Drone Records en Allemagne. Un gros catalogue de VPC également. Hein. Il a un stock de dingue. Donc alors si tu veux que je te raconte un peu l'histoire. Ah ben oui. Ouais, t'es là pour ça. Je t'ai dit que t'allais bosser un peu ce soir. On n'a pas toute la nuit quand même. Non. Jusqu'à 22h, c'est pas trop mal. Bon, eh bien, il y a un peu plus d'un an, un an et demi. T'as vu, hein, j'ai vraiment du mal avec les dates. Hein. Ouais, je vois ça, ouais. Il y a un an et demi à peu près, donc j'avais acheté des places pour un concert au Botanique, à Bruxelles. Des places pour aller voir Midwife. Une fille qui fait de la musique toute seule, on écoutera, je pense, un morceau. Ouais, on écoutera tout à l'heure, ouais. J'avais acheté des places pour un concert, et puis avec le boulot, j'ai pas pu y aller. Donc je connais un gars qui s'appelle Jean-Marc, qui a un label qui s'appelle Talem, mm-hmm. Et qui est basé à Bruxelles. Et puis je lui envoie un message pour lui dire j'ai deux places pour aller voir Midwife, est-ce que ça t'intéresse? Puis il me dit je connais pas, mais j'irai bien, ouais. Et il a adoré le concert. Et pour me remercier, il m'a envoyé un CD, un mini CD qu'il avait sorti un peu de temps avant, qui était 4 titres de Baraka en CD, et c'était pour l'anniversaire de son label, la centième référence pour son label, et j'ai vachement aimé en fait le mini CD. Bon, voilà, le temps passe, et puis il y a un an et demi, on va Xavier El Reanimator. On va pas tout dire, mais des fois on se voit, hein, ouais. À trois On va voir Swans au Botanique. C'était au Botanique. Oui, c'était au Botanique. On va voir Swans à deux. Et puis, Jean-Marc apprend que j'y vais. Donc, il me donne rendez-vous un peu avant. Il nous donne rendez-vous un peu avant pour boire un coup. Et puis, il me dit, devant un verre de limonade, « Ah bah oui, CD, je suis content que ça te plaise. Tu sais, j'étais fan de Drone Records, j'aimerais bien. » Que ça sorte un peu plus, que ce soit un petit peu plus diffusé, tout ça. Mais moi, mes mini-CD, j'en ai bientôt plus. Et puis, produire un vinyle, moi, ça m'intéresse pas trop. Et paf! Et ben voilà, c'est incroyable. Je voulais t'en parler. Moi, j'aurais bien aimé sortir ce disque en vinyle, mais bien sûr, agrémenté d'autres choses, agrémenté d'un peu plus de titres. Et puis voilà comment ça s'est fait. Ça a pris. J'ai contacté Stéphane Knapp et il était super content, emballé. Bon, ça a mis du temps, hein, bien sûr. L'échelle de temps. Ouais. J'aurais jamais cru que sortir un disque prenne aussi autant de temps. De contacter autant de personnes. Demander des devis à droite à gauche, c'est une bonne école. C'est prendre le temps de faire ça, c'est chouette. Et donc, il est sorti. Voilà, j'ai voulu faire travailler une boîte de pressage française qui est basée en Vendée, mm-hmm. qui s'appelle Besides Factory. Ils ont super bien bossé. Le mastering, il a été fait par Aidan Baker de Nadja, qui est un gars charmant, super gentil. Tu veux dire que ça a été remasterisé du coup par rapport au premier pressage ? Oui. En fait, il a été remasterisé pour être en vinyle, hein, puisque en fait, c'est pas vraiment le même mastering pour le CD mm-hmm. ou pour le vinyle. Il faut faire autre chose comme réglage, j'y connais rien. Moi, C'est le fréquence, à mon avis, qui doivent jouer sur le. Oui. Et puis voilà, quoi. Donc c'est sorti à 300 copies en vinyle transparent, c'est bien pressé, c'est propre. Et puis il y a un graphiste de Bruxelles également qui s'appelle Hitoshi Kojo qui avait déjà travaillé avec Jean-Marc de Talem pour le design du mini CD, qui a retravaillé là pour le vinyle et il a fait un super boulot également. Alors ce CD de Baraka s'appelait Illuminescence, mais toi tu fais Illuminescence Extended. Ben ouais, puisqu'en fait, tu retrouves des morceaux supplémentaires par rapport au mini-CD. T'as deux morceaux inédits, vraiment, et t'as deux morceaux qui étaient parus sur un 45 tours à 50 copies. Donc voilà, c'est une espèce de compilation des compositions de Baraka. Ils sont tous dans la même veine, hein, c'est-à-dire ambiant, cotonneux, capiteux même, tu sais, un peu un petit peu d'ivresse là-dedans, c'est des boucles, de la guitare, hein, c'est un traitement de guitare, hein, principalement. Et bon, je pense qu'on peut écouter. On va s'écouter deux morceaux, vous allez vous ressourcer, hein, puisque tu as choisi Phasis et tu as choisi Dacryon. Voilà, deux morceaux donc qui sont directement issus de du grec biblique. C'est Phasis d'abord qui signifie la déclaration, le sens de l'expression, de la communication verbale, et Dacryon qui veut dire larme en grec biblique. Écoute, on s'instruit en plus. Voilà, mais bon, faut rester gay quand même. Hein. Faut pas tout de suite allumer les bougies. Dans tous les cas, oui, tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Baraka, Phasis, suivi de Dacryon. vous avez pu vous ressourcer sur ces trois titres finalement de Baraka. Et oui. Je te laisse les présenter, Thierry. Ouais, donc, en fait, vous avez eu en bonus Yolalia, qui était inséré entre les deux, entre Phasis et Dacryon. Donc, vous avez eu la signification de Phasis et Dacryon. Alors, je vous dis ce que c'est Yolalia. C'est en langue uto-aztèque, donc d'origine mexicaine. Ça veut dire se consoler ou consoler quelqu'un d'autre. Voilà. Un titre de la face B qui pour moi est supérieur à la face A, même si j'aime bien sûr le vinyle complet, mais je trouve la face B un peu plus sombre, un peu moins mélodique et je la trouve même presque un tout petit peu cold wave. Tu vas peut-être me démentir ça, mais en tout cas ce son cotonneux un peu enveloppé en fait, un peu à la façon Cocteau Twins, sur certains morceaux de Cocteau Twins. Je trouve que on n'est pas très loin. Bon, maintenant bien sûr c'est que mon ressenti, donc je pense que tu l'as écouté des dizaines de fois ce vinyle, et là je te voyais, t'es encore habité quand même par la musique. Je suis vraiment très très content de ce disque C'est vrai que je l'aime beaucoup et tant mieux, parce que quand tu sors un disque et que bon. C'est quand même le but. Le but, c'est de se faire plaisir. Exactement. Avant tout. Exactement. Donc on peut le trouver sur la faculté. Ouais. Et là, tu t'es mis aux années 2020. Hein, là, maintenant, tu es sur Bandcamp. Exactement. Exactement. Il y a un Bandcamp. Sinon, il y a des marketplaces où on peut le trouver. Et puis, de plus en plus, là, il y a des sites web qui le proposent. Donc, Old Europa Café, Sound Home. Ça existe encore, c'est un truc. Ouais. Mais dingue. Plus que jamais, quoi. Old Europa Café. Très actif. Il y a Cold Spring aussi en Angleterre, au Royaume-Uni, qui l'a. Il y a Consoling Sound en Belgique. Voilà. Donc il y a quand même, j'espère que j'en oublie pas là, mais si je dois en oublier, mais bon, c'est ceux qui me reviennent là en tête. Et puis il y a bien sûr les amis de Nuit et Brouillard qui sont. Qu'on salue, qu'on embrasse. Voilà. Et Nouvelle Propagande, Jean-Yves. Ah, je me crois dans ma chambre quand j'avais 15 ans, là, tu sais, quand t'énonces des noms pareils. Ben ouais. Et briller. Voilà, tous ces amis qui soutiennent et qui sont un peu avec moi. Et brièvement, qu'est-ce que tu penses du marché musical actuel ? Tu veux pas en parler ? C'est la révolution quand même. C'est la révolution, mais ce qui est quand même terrible, c'est ça que je trouve le plus terrible, c'est que il y a 15-20 ans, on sortait des vinyles à 5000 copies, 5000 se vendaient. Aujourd'hui, tu sors un disque à 300 copies, 200 copies, et tu restes un peu avec, quoi. Tu restes avec les 50 dernières copies invendables. C'est quoi ? C'est la multiplication des groupes qui proposent ? C'est le marché qui est devenu énorme ? Je pense qu'il y a une révolution dans la consommation de la musique. Ça c'est sûr. T'écoutes plus la musique de la même façon. Même si tu dis oui, un revival du vinyle, bon, en fin de compte, il est pris par les majors et par les gros groupes. Mmh. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis allé ce week-end, dimanche, à la foire aux 10 de Marc, bon, qui n'est pas représentatif des foires aux 10 de la région. On ne va pas dire que c'est, c'est une bonne foire aux 10 classique. Mais je mets mon nez un petit peu partout, je regarde un peu les bacs. Bon, il n'y a pas un bac qui n'a pas un Dépêche Mode. Et c'est très bien, Dépêche Mode. Il n'y a pas de problème. Pas de souci, oui, bien sûr. Pas de souci là-dessus. Mais, je veux dire, t'as un client sur cinq qui parle de Dépêche Mode, quoi. T'as un visiteur sur cinq qui va dire « Oui, j'aimerais bien trouver soit un pirate, soit un truc que j'ai pas de Dépêche Mode. » Ouais, c'est bien, mais en fin de compte... c'est autre chose, quoi. Ouais, il n'y a pas très longtemps, je tenais un stand, c'était où ? C'était à Moucron. C'était à Moucron. Et une fille vient me voir en me disant « Est-ce que vous avez du Dépêche Mode ?» Je fais « Non, j'ai pas de Dépêche Mode à vendre, mais est-ce que vous connaissez Technique Berlin ?» un projet synth-pop qui est sorti récemment chez Mechanica. Super vinyle, vraiment très très très bon. Et je dis, allez-y, faites-moi confiance, écoutez sur votre téléphone. Elle écoute, elle fait, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Mais je cherche un maxi de Dépêche Mode. Bon, on va pas faire nos vieux. Hein. Okay. Mais moi, ce qui m'embête le plus là-dedans, c'est les vinyles qui sont pressés, repressés, repressés, où tout le monde s'est fait un pognon monstre sur l'album, et ça sort encore, et c'est vendu à 40 euros. Enfin bref. Et à 40 euros, et puis en couleur. Ah oui, c'est impressionnant. Une explosion de couleurs sur le vinyle qui le rend magnifique. Écoute, je t'ai laissé une grande place dans l'émission ce soir, parce que je reprends le direct pour toi. Hein, t'es venu, non seulement avec Baraka, mais t'es venu avec trois autres titres que je te laisse présenter. C'est ton univers musical de maintenant ? Pas trop, non. Enfin, pas seulement, je veux dire. J'ai fait exprès de sélectionner trois femmes. Ouais, j'ai vu. Et quelles femmes ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont compté pour moi l'année dernière. Et puis j'ai trouvé que leur sortie était franchement intéressante. Elles ont toute une actu, quelque chose qui m'a marqué en 2024. On commencera par Midwife. Donc Midwife, c'est Madeline Johnston, une américaine, qui est en résidence au Roadburn. Roadburn Festival qui a lieu les 17, 18, 19 et 20 avril à Utrecht. Elle joue les 4 jours. Un soir, son dernier album, un soir, une collaboration avec une autre fille, et un autre soir, son best-of. Ça veut dire ça, elle est en résidence. Il y a un autre artiste en résidence cette année au Roadburn, et un artiste pas des moindres, puisque c'est Steve Von Thiel de Neurosis. Et bon, là, pour l'heure. Ce sera Midwife. Enfin, c'est un sacré festival quand même, le Roadburn. Hein. Cette année, il y a Michael Girard et Christophe Anne des Swans. Il y a Foudre. Foudre, c'est les membres de Oiseau Tempête, dont Frédéric des Oberland, Romain Bardot de Saad, aussi d'Ambiante. Et puis surtout Paul Régimbaud, que j'adore comme musicien, pour son projet Mondkopf. Je connais ça. Oui. Et donc dans ce festival Roadburn, il y a aussi The Bug, Xuxu, Damaria. Vraiment un beau line-up, ce festival à Utrecht. On commencera cette petite séquence par un morceau de Midwife, extrait de son tout dernier album sorti l'année dernière, No Depression in Heaven. Et le morceau que j'avais choisi, c'était Rock and Roll Never Forget. Midwife, sa musique, c'est toujours très éthéré, très calme, très, très, très chouette, vous allez voir. Ensuite, j'ai choisi un morceau de Chelsea Wolf, que j'aime beaucoup. C'est extrait de son 8e album, si on ne compte pas le live qui était sorti. L'album s'appelle She Reaches Out To, il est sorti l'année dernière. Donc Chelsea Wolf, c'est une américaine de Californie, premier album en 2010, et un coup de pouce qui lui fut donné en 2014 lorsque son titre Fur Love est utilisé dans la BO d'une des séries de Game of Thrones. Donc le morceau choisi de cet album, c'est Dusk. Et enfin, en troisième morceau, j'ai choisi Maria Horn. Il y a un W entre son prénom et son nom, mais je ne sais pas comment on le prononce. Donc on va dire Maria Horn. Elle est suédoise, elle n'a même pas 40 ans. Elle est hyper talentueuse, surtout adepte des synthés analogiques, des instruments à cordes, et puis aussi des orgues d'église. Elle est aussi cofondatrice du label suédois X Cathédrale. Elle a assuré la première partie des Swans, notamment à l'Aéronef, il y a tout juste un an. Presque jour pour jour. Son premier album, Contrat Poétique, sort en 2018. C'est un peu une enquête historique sur le passé, pas si sérieux, pas si serein, de sa région d'origine du nord de la Suède. Voilà, j'ai choisi le morceau Fides Minus qu'on peut traduire par croyance négative. Voilà, donc dans l'ordre, Midwife, Chelsea Wolf et Maria Horn. Bah écoute, je te remercie Thierry. Tu refais un petit topo tout à l'heure, tiens, tu vas bosser, je te l'ai dit. Très bien. Thank you. Bah écoute Thierry, chose n'est pas coutume, c'est une programmation très relaxante ce soir. Je te laisse la représenter. Alors d'abord c'était Midwife, donc le morceau Rock and Roll Never Forget, Chelsea Wolfe Dusk et Maria Horn Fides Minus. En crescendo, hein. Je sais pas, t'as noté, hein, Midwife, ouais, bien sûr. Voilà, éthéré, calme, relaxant. Chelsea Wolfe, un petit peu plus rock and roll et puis rythmé. Plus un indus quand même. Il y a des sonorités quand même qui s'approchent de pas ton industriel. Tu vois ce que je veux dire, c'est l'indus tel que je le conçois. Ouais. Et puis Maria Horn qui termine assez bruyamment, mais bon. En règle générale, c'est quand même assez calme. Hein. L'album est teinté aussi d'orgue. Il n'est pas bruyant du tout. Hein. Mais c'est un morceau que j'adore. Bah écoute, je te remercie. On rappelle que tu es venu pour présenter Illuminescence Extended de Baraka. C'est ta sortie vinyle. Tout à fait. Disponible sur ton Bandcamp. Voilà. Je voulais juste donner comme information que Baraka, hein, donc c'est son nom d'artiste. Ça vient de l'arabe, ça signifie bénédiction. Alors peut-être que je le vendrai bien ce disque. Ça va te porter chance, sûrement. Peut-être pas. Mais en tout cas, il me plaît bien et j'espère que les extraits qu'on a passés ce soir, ça vous aura fait plaisir à tous, chers auditeurs et auditrices. Je n'ai pas beaucoup de doutes. Tu sais, c'est un petit peu à contre-courant de ce qu'on diffuse ici normalement à Galaxy Radio. Et normalement, ici, notre émission sur Florissant en Proche, on est très très content de le présenter sur nos ondes. Et franchement, je suis très content que tu sois passé dans les studios. Je te remercie. Merci, Walter. Allez, on continue la programmation. On retrouve notre sélection de la semaine. C'est le Paradoxical Sleep. C'est le dernier album de The Ultimate Dreamers. Et là encore, je suis très content de vous présenter ce troisième album de ce quatuor de Lessine qui œuvre sans répit dans cette magnifique Cold Wave. Je vous vois venir en vous disant que je n'écoute pas vraiment ce genre de musique, mais détrompez-vous, je ne l'écoute que lorsque les groupes de ce genre musical ne font que très bien leur travail, qu'ils y mettent du cœur tout en ayant du talent. Et c'est le cas pour The Ultimate Dreamers. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on les a fait jouer en live ici dans les studios de Galaxy Radio, j'ai adoré ce moment. Allez, revenons à Paradoxical Sleep, c'est pas facile à dire, il est sorti samedi dernier dans une version CD Digipack avec deux bonus. Et une version colorée, soit rouge, soit violet transparent pour le côté vinyle. Il y a 13 titres, dont une coopération avec Simona Ferrucci de Winter Severity Index. Et une autre avec June June de Dead Crush. Tout est produit par quelqu'un qu'on apprécie ici beaucoup à Sampleur et son proche, Hélène Lemaire de Implant. Personnellement, je trouve que la musique de The Ultimate Dreamers sur cet album est profondément cold wave. Ça dégage de belles et sombres atmosphères. Je dis bravo à Sandrine, Big Joe, Bertrand et Fred pour ce très bon album. On s'écoute le morceau Replicant. Ultimate Dreamers avec le morceau Replicant du très bon CD Paradoxical Sleep. Ça sort chez Spleen Plus Alpha Matrix. Alors, merci Fred d'ailleurs pour cette promo. Je vais faire vraiment un très bref agenda pour vous présenter des dates qui me tiennent à cœur. On commencera avec le BMD. C'est le 22 février. Il y a Skren Del Eritas, Tusk Luder, Armageddon Dildos et les terriblissimes Portion Control. Ça se passera au casino, comme d'habitude, à Saint-Nicolas. Le 15 février, il y a le Bal des Vampires Party au Soul Garden Bar de Calais. Ça sera en programmation du gothique, de la Batcave, de l'EBM, etc., etc. Tu sais, ça me fait un peu penser aux soirées que tu faisais à l'escalier. Au grand escalier. Au grand escalier. À Moucron. Le 4 mars, il y a Je t'aime et le groupe De Nuit à la Bulle Café. C'est une organisation Just Like Heaven. Le lendemain, il y a une grosse date pour nous à Sample Récent, proche, c'est Sierra, avec en première partie les Parisiens de Chour. Ça se passera au Black Lab. C'est une organisation à gauche de la Lune. Ça commencera à 20h30. Et pour fêter tout ça à gauche de la Lune, vous proposera une place par émission à partir du 24 février. Vous pourrez la gagner ici en direct au standard de Galaxy Radio. D'ailleurs, en parlant du 24 février, dans 15 jours, je reçois Dominique Lallemand, Benoît Buise de Creek Bay, anciennement Creek Bright, hein, tu te souviens Thierry. Ils seront accompagnés de Del Eritas, justement, dans les studios de Galaxy. On va passer une autre bonne soirée. Et je terminerai avec le 7 mars, il y a Del Eritas et Larva au garage de Liège. Allez, pour illustrer l'agenda, je vais passer le dernier single Sierra qui s'appelle My Poison. Il est sorti le 6 décembre dernier sur le label No Shark Prod. C'est distribué exclusivement par Virgin Music France. C'est un pur jus Sierra qui a été masterisé et réalisé par Thibaut Chaumont. On continuera avec une Suédoise qui a joué d'ailleurs au dernier BIM à Saint-Nicolas, c'est Emon. Ce sera le morceau Machines, remixé par Terence Fixmer. C'est un single qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur International DJ Gigolo Records. Et on terminera par une sorte de nouveauté sur Aliens Productions, le label slovaque. Là, ce sera Anima Mundi, le morceau Invaders, et extrait du CD Another World Free. Et nouveauté, mais je vous ai un peu menti, parce qu'il est déjà sorti en 2009 sur ce même label. Mais là, il est remasterisé et sorti en CD. Allez, c'est parti, Sierra, Emon, Anima, Mundi. We'll be right back. morning star shine. The earth is hello. Sierra avec My Poison, le dernier single de cette Française qui cartonne. J'adore vraiment ce qu'elle fait. N'oubliez pas, elle est en concert au Black Lab le 5 mars prochain. Et à partir du 24 février, vous allez avoir l'opportunité de gagner des places ici dans notre émission. Juste après Sierra, Emon, le morceau Machines, remixé par notre héros lillois Terence Fixmer. Ça paraît chez International DJ Gigolo Records. Et en dernier, Anima Mundi, un extrait de Another World Free, c'était le morceau Invaders et ça sort chez Aliens Productions. Allez, je profite de la venue de Thierry ici dans les studios pour vous diffuser des musiques que j'adore. C'est pas forcément radiophonique, mais c'est surtout à l'opposé de l'univers très rythmé de Galaxy Radio. On passera à Human Vault, c'est le projet du Hongrois qui s'appelle Georges Turuxi. Il vit maintenant à New York et il a sorti toutes ses archives sous forme de 5 albums différents. Je dois avouer que ces maquettes ne sont pas forcément intéressantes dans l'ensemble, vu surtout le nombre de morceaux diffusés. Et par reconnaissance auprès du label Aliens Productions, je n'hésite pas à les diffuser. On s'écoutera le morceau I Pray, I Die de l'album Primordial Religion. On continuera avec Huir, c'est un duo basé à Barcelone, comme mes chouchous de SDH d'ailleurs. Mais ils sont signés sur le label Cold Transmission Music. Ils ont sorti leur premier EP qui s'appelle Triumphal Arch Lovers au printemps 2024 et proposent au compte-goutte des singles comme ce remix de l'Australien de Bouscoul du morceau Triumphal. Et on terminera avec ce qui fut un de nos génériques à Sampler, c'est le morceau Sever de Gridlock. Tu te rappelles de ce groupe, Thierry ? Magnifique, magnifique. Vraiment, Gridlock, c'est... Une c'est, monstrueux. Ouais, c'est monstrueux. C'est un groupe monstrueux, effectivement. Surtout sur cet album Further, c'est paru chez Pendragon. Pourquoi ? Simplement parce que j'avais envie de diffuser ce morceau. Écoute, je te remercie encore une fois, Thierry, de t'être venu ici dans les studios. Je pense que tu vas revenir d'ailleurs. Je souhaite tout le succès mérité à la faculté. C'est gentil. Il faut, n'oublie pas, il faut envoyer sur les réseaux maintenant, c'est le monde de maintenant, on n'a plus le choix. Donc, Oui. J'apprends. Merci encore Thierry, et à bientôt. À bientôt, bye. En tout cas, merci pour votre fidélité, restez bien branchés sur Galaxy Radio, à bientôt, ciao. Simplerait sans reproche. En live sur Galaxy FM 95.3 ou en podcast sur Mixcloud.com. Sampleur et sans reproche. With Galaxy, music remains on top.